إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 25 dans la lecture du livre Al-Kaba'ir, Sharh Kitab Al-Kaba'ir de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par le Sheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de يعني القلب يعني القلب ومرض القلب وموته يعني ذكر مرض القلب وموت وموته وموته. Donc c'est ça, c'est les maladies du cœur ainsi que la mort du cœur. On a parlé au dernier cours de ce sujet, on a mentionné plusieurs versets dans le Coran, des hadiths aussi qui sont reliés à ce sujet. On continue maintenant avec le même sujet dans ce même chapitre, sauf que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné d'autres paroles des salafs à ce sujet-là, ainsi que des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire ensemble qu'est-ce qu'il a mentionné, qu'est-ce qu'il a rapporté. Il dit قال الأعمش أرانا مجاهد بيده قال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضمه وقال بأصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بأصبعه الآخر هكذا، حتى ضم أصابعه كلها، قال ثم يطبع عليه بطابع، وكانوا يرون أن ذلك هو الران. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه، وعن مجاهد أيضا قال الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال. نعم. طيب. Donc on va expliquer maintenant cette parole qu'on a lue. C'est rapporté selon Al-A'mash. Al-A'mash, c'est un parmi les tabi'in. Et Mujahid, c'est l'élève de Abdullah ibn Abbas, je crois, ou Abdullah ibn Mas'ud, un des deux Abdullah. Ok, et c'est un des savants parmi les ulama de tafsir, il s'appelle Mujahid. Un grand savant parmi les savants de tafsir, parmi les tabi'in, il a étudié avec les sahaba. Et donc, qu'est-ce qu'il mentionne? Il explique en fait qu'est-ce qui arrive au cœur lorsque le cœur lorsque la personne fait un péché, qu'est-ce qui arrive à son cœur? Et Donc le cheikh il cite donc cette parole de Mujahid. Il dit que Mujahid, il a pris sa main, il a montré aux sahaba, pas aux sahaba, mais aux gens qui étaient avec lui, hein, parmi eux Al-A'mash. Il dit, il nous a montré sa main. Et il a montré sa main ouverte. Et il leur a dit que le cœur, c'est comme c'est l'exemple de cette main. Lorsque tu commets un péché, hein, c'est comme si le cœur il se ferme. Donc il a commencé par le petit doigt. Il a dit, lorsque le serviteur fait un péché, il a baissé le petit doigt. Puis après il dit, et s'il fait un autre péché, il a baissé un autre doigt, c'est-à-dire l'autre doigt qui se ferme. Et s'il fait un autre péché, il a montré encore une autre fois, il a baissé l'autre doigt. Et s'il fait un autre péché, il a baissé encore un autre doigt, jusqu'à ce qu'il ferme tous ses doigts au complet. Il a dit, et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, quand le cœur est fermé comme ça, quand ça fait comme un point? Eh bien, ça veut dire quand la personne elle a continué à faire des péchés, son cœur devient scellé. Hein? Son cœur devient scellé et il considérait que ça c'était Arran. Comme c'est mentionné dans le verset, dans Surat Al-Mutaffifin, qu'on a récité ou qu'on a mentionné au dernier cours, on a dit dans le verset 14, dans Surat Al-Mutaffifin, يعني سيمنسوني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. C'est-à-dire que les péchés qu'ils ont acquis ont couvert leur cœur. Et donc, il donnait l'exemple de ces doigts qui se ferment pour représenter le cœur et comment il devient lorsque le serviteur fait des péchés et comment il se ferme comme s'il est scellé. Pour montrer comment il devient scellé, c'est comme s'il est couvert. Et il considérait que ça, c'était l'exemple de Arran. Arran, c'est-à-dire quand le cœur est couvert à cause des péchés. Et pour comprendre ce sujet, il y en a même dans le Coran, il y a des versets qui mentionnent At-Tab'a. At-Tab'a, c'est un autre terme qui mentionne de quelle façon Allah subhanahu wa ta'ala scelle les cœurs. Le verset 87 dans Surat At-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ نعم وَرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. C'est-à-dire, il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec celles qui sont restées derrière, c'est-à-dire les femmes, puisque les femmes ne partent pas au combat. Donc, eux, ils étaient les munafiqines, les hypocrites. Ils étaient satisfaits de rester derrière, de ne pas aller à la bataille de Tabouk, de rester derrière avec les femmes. Et leurs cœurs ont été scellés. Et ils ne comprennent rien. Donc, ça, c'est un exemple du terme Taba. Comment il est mentionné par rapport aux munafiqines et comment leurs cœurs ont été scellés. Il y a aussi l'exemple dans Surat 93, dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَا رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ça veut dire إِنَّمَا السَّبِيلُ, c'est ça. Il n'y a de voix, c'est-à-dire il n'y a de reproche. Oui, c'est ça. Parce que c'est eux qui sont reprochés, c'est ceux qui demandent de rester derrière alors qu'ils sont riches. Ceux qui sont malades ou ceux qui sont aveugles, eux, ils ne sont pas reprochés d'être restés derrière parce qu'ils ne pouvaient pas aller au combat, ils étaient malades, ils étaient aveugles, ils étaient vieux, ou bien ils étaient faibles. Ils ne peuvent pas participer à la bataille. Donc, il n'y a pas de reproche pour eux. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَا. C'est-à-dire, il n'y a de voie de reproche vraiment que contre ceux qui demandent d'être dispensés de partir au combat alors qu'ils sont riches, hein, qu'ils sont en bonne santé. Et il dit, il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière, de demeurer derrière avec les femmes, alors que les hommes partent au combat. Et Allah a scellé leur cœur, et ils ne savent pas. C'est-à-dire, Allah a scellé leur cœur. On voit l'exemple de qu'est-ce qu'on mentionne par rapport à cette parole de Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, un des plus grands parmi les savants de tafsir. et il explique donc que Ar-Ral, c'est ça, At-Tab'a, yani At-Tab'a ala al-Qulub, comment Allah subhanahu wa ta'ala scelle le cœur des croyants ou des gens quand ils ont la foi faible, quand ils font des péchés. À force de faire des péchés, le risque et le danger et la crainte, c'est que ton cœur devienne scellé à cause de ça. C'est ça le danger. Et il dit ensuite, وعن مجاهد أيضا قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال. Donc il dit que الران c'est moins difficile ou moins dur que الطبع. Donc الطبع c'est encore plus grave, plus dangereux. C'est ça que ça veut dire. Donc الران c'est quand tu fais des péchés et ton cœur devient couvert. Le degré qui est un peu plus, encore plus grave, c'est At-Tab'a. C'est quand ton cœur devient scellé. Et encore plus grave encore, Al-Iqfal. C'est quand ton cœur devient verrouillé. Complètement. Hein? Il devient fermé à clé. Hein? Iqfal. Comme Allah dit dans le Coran, Am ala qulubin aqfaluha. Hein? Des cadenas. Est-ce qu'il y a des cadenas sur leur cœur? Est-ce qu'ils sont verrouillés, fermés à clé? Et donc ça c'est mentionné dans le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari. Et il a été aussi rapporté dans le tafsir de Ibn Kathir. Lorsqu'il a mentionné le tafsir du verset 7 dans Surat al-Baqarah, il a cité cet exemple. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il explique un peu plus, il donne quelques détails là-dessus. Il dit, « هذا يفسر الحديث الذي قبله فكلما أذنب العبد انطبق إصبع من أصابع يده حتى تنطبق الخمسة أصابع الخمسة أصابع وهذا تمثيل أراهم إياه مجاهد لتقريب المعنى وبيان كيفية ملء القلب بالنكت السوداء نكتة بعد أخرى فأخذ بيده وبسطها وكلما أذنب العبد ذنبا قبض إصبعا حتى تكاملت الخمسة خمسة أصابع وذلك الذنوب تتوارد على القلب كل ذنب يغطي جزءا منه كما يغطي الأصابع جزءا من الكف حتى إذا تكاملت الخمسة أصابع غطت جميع الكف فكذلك القلب عندما تكثر الذنوب تتكامل غطاؤه بالنكت السوداء فيكون هذا هو الران ثم يطبع أو يطبع على القلب يطبع على القلب ثم هناك ما هو أشد من ذلك وهو الإقفال على هذا القلب قال تعالى أم على قلوب أقفالها فهي مقفلة لا يدخلها شيء من النور من نور الإيمان ولا يخرج منها شيء من الخير والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que ça c'est l'explication et l'interprétation du verset. Ce hadith, cette parole de Mujahid, elle explique le hadith qu'on a lu au dernier cours, à la fin. C'est-à-dire que on sait que le croyant, lorsqu'il fait des péchés, ça fait des points noirs sur son cœur. Et l'exemple qu'il a donné avec sa main, c'est pour montrer que, yani, lorsque le serviteur fait ses péchés, de quelle manière ces péchés-là affectent son cœur. Donc il a mentionné de quelle manière les points noirs qui tombent sur le cœur affectent le cœur jusqu'à ce qu'il devienne complètement couvert, qu'est-ce qu'on appelle en arabe ar-ran. Donc il a ouvert ses doigts, puis il les a fermés à chaque péché, jusqu'à ce que ça forme un point et que la main soit complètement fermée. Et c'est la même chose que lorsque le serviteur commet des péchés, son cœur devient complètement couvert à la fin s'il ne s'est pas repenti de ces péchés-là, jusqu'à ce que yani, le cœur devienne noir et complètement couvert. Et donc ça c'est Ar-Ran. Puis si la personne, après avoir le cœur couvert, continue à faire des péchés, là, elle tombe, son cœur devient scellé. Yutba' ala qalbihi. At-taba'. Ça c'est un degré encore plus grave. Puis sinon c'est Al-Iqfal. C'est encore plus dangereux. Al-Iqfal, ça veut dire le cœur maintenant il devient complètement fermé, verrouillé. C'est l'exemple qui est mentionné dans le verset 24 dans sourate Muhammad. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Am ala qulubin aqfaluha »« Afala yatadabbarun al-Qur'an » N'ont-ils pas médité sur le Qur'an ou bien leur cœur est verrouillé avec des cadenas. 24, 24. Naam. Donc, quand le cœur est verrouillé, fermé, il n'y a rien qui rentre de la lumière de la foi dedans et il n'y a rien qui en sort de bien non plus. Wal'iyadu billah. Donc ça, c'est le danger. Après, le cheikh, il a cité un autre exemple. Il dit, un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, de même que rapporté par At-Tabarani dans As-Sagir. Il dit, « An Abi Sa'id, radiyallahu anhu, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qulubu arba'a, qalbun ajrad. قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط بغلافه وقلب منكوس وقلب مصفح أما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص فعرف الحق ثم أنكره وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق مثل الإيمان فيه مثل الإيمان فيه كمثل البقلة يعني يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يعني يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith ici. C'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les cœurs sont de quatre catégories. La première catégorie, il a dit al-qalb al-ajrad. Il brille comme une lanterne. Le deuxième, c'est qalbun aghlaf. Il est couvert, un cœur qui est couvert avec un voile ou quelque chose. Ça, c'est la deuxième catégorie. Le troisième, c'est al-qalbul mankous. Il est renversé. C'est un cœur renversé, à l'envers. Et le quatrième, القلب المصف قلب مصفح نعم القلب المصفح. Puis il explique qu'est-ce que signifie chacun de ces cœurs. المصفح المصفح qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cœur, comme on va l'expliquer, c'est un cœur, il y a de la foi dedans mais aussi de l'hypocrisie en même temps. المصفح, on va l'expliquer inshallah après. Donc, Cheikh Al-Fawzan explique ces cœurs-là avec plus d'explications et de détails. Il dit, déjà dans le hadith, il explique. Il dit que le cœur qui est Al-Ajrad, Qalbun Ajrad, c'est le cœur comme le cœur du croyant. Parce qu'il brille comme une lumière. Le deuxième, Al-Qalb Al-Aghlaf, c'est le cœur du kafir, le cœur du mécréant. Parce qu'il est couvert, il est recouvert. Le cœur du kafir. Aghlaf, comme on dit en arabe rilaf, il est couvert, comme c'est ça, enveloppé. C'est comme on dit, même le couvercle d'un livre on l'appelle rilaf en arabe, rilaf ou le kitab. Donc le rilaf c'est une enveloppe ou quelque chose qui couvre. Al-qalb al-mankous, c'est un cœur qui est renversé. C'est un cœur comme le cœur du pur hypocrite. C'est ça que ça veut dire al-qalb al-mankous. Et le quatrième, c'est al-qalb al-musfah, c'est-à-dire un cœur, il y a dedans de la foi et de l'hypocrisie en même temps. Et il dit que c'est l'exemple de la foi qui est dedans, c'est comme l'exemple de al-buqla. Al-buqla, c'est de la foi dedans. Al-qalb al-musfah, c'est un cœur, il y a les deux dedans. Il y a un peu, il y a de la foi, puis il y a de l'hypocrisie mélangée. C'est comme un cœur qui n'est pas pur, il n'est pas propre 100%. Non, bon, de toute façon. Donc c'est ça. Al-buqla, il dit, c'est ce qui lui fournit de l'eau, de la bonne eau. Et l'autre, l'exemple de l'hypocrisie qui est dans ce cœur, c'est l'exemple de al-qarha, comme une blessure ou quelque chose dans lequel il y a du pu et du sang. Donc, lequel des deux produit plus de soit de l'eau ou de l'autre, yani du pu et du sang, yani c'est celui qui en produit le plus, c'est ça qui a le dessus. Donc si c'est plus, si parfois, c'est-à-dire que parfois il y a plus de foi dedans, donc c'est la foi qui a le dessus, et parfois il y a plus de nifaq dedans, donc c'est le nifaq qui a le dessus, mais il y a un combat entre les deux. C'est ça que ça veut dire. Al-qalb al-musfah, c'est le cœur dans lequel il y a toujours un combat dans son cœur entre l'hypocrisie et la foi, et c'est yani les deux choses qui sont présentes à l'intérieur. Donc Cheikh Al-Fawzan explique, il dit القلوب أربعة أنواع قلب أجرد يعني أبيض ليس فيه غل ولا غش فهو على أصل الفطرة فيه مثل السراج يزهر أي يتلألأ وهذا الأصل في قلب المؤمن أن فيه نورا من الله تعالى وهذا كما في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فهذا هو قلب المؤمن وهذا مثال لنور الله في قلب المؤمن كمشكات وهي الفتحة في الجدار فيها مصباح لأن المصباح يعني عندما يكون في قوة أو في كوة يعني فإن النور يجتمع فيكون أقوى. Donc on va expliquer cette partie. Et le cheikh il cite, il dit premièrement que les cœurs sont divisés donc en quatre catégories, comme le hadith le mentionne. Et puis il explique que ces quatre cœurs, le premier c'est qalbun ajrad. Et qalbun ajrad, il dit que c'est le cœur qui est blanc. Il est blanc, il n'y a pas de rancune, de haine, il n'y a pas de tricherie dedans. Hein, c'est un cœur qui est propre. Et il est resté sur la base de la fitra. Il est resté sur la base de la fitra, sur la nature pure, sur le tawhid. Et il dit que ce cœur-là, il est comme as-siraj yuzhir. As-siraj yuzhir, c'est-à-dire comme une lanterne qui brille. Ok? Et il dit que le cœur du croyant, à la base, il est comme ça. Parce qu'il contient la lumière qui vient d'Allah. Il contient la lumière qui vient d'Allah. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 35 dans Surat An-Nur, dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie Allah est la lumière des cieux et de la terre, et sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental. dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. La lumière, lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. C'est-à-dire, Allah sait toutes choses. 35, le verset 35 dans Sourate An-Nur. Donc, le cheikh, il explique maintenant, donc, il cite ce verset, puis il explique. Il dit, ça, c'est le cœur du croyant. Qu'est-ce qu'Allah a décrit dans ce verset? Il a décrit comment est le cœur du croyant et il explique comment la lumière d'Allah est dans le cœur de ce croyant-là. Et donc, il a dit que c'est comme, yani, premièrement, une niche où se trouve une lampe. C'est-à-dire, il dit, le shir, une niche dans ça, c'est comme un espace ou un trou dans un mur. Hein? Une ouverture dans un mur. Et dans cette ouverture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lampe. Donc, dans cette ouverture, il y a une lampe. Et la lampe, hein? Donc, dans cette lampe, qu'on appelle en arabe misbah, eh bien, elle est dans un récipient de cristal, mais il dit, c'est comme quand, par exemple, la lampe, il y a toujours quelque chose derrière qui fait concentrer la lumière pour l'envoyer vers l'avant. Donc, qu'est-ce qui est derrière? Comme un genre de miroir, ou comme un genre de... c'est comme un truc qui est... convexe, hein? une lentille convexe ou quelque chose qui est entrée vers l'intérieur qui fait que la lumière se concentre vers l'avant et ça rend la lumière plus forte. Il dit, en ce qui concerne As-Siraj, hein, donc la lanterne, eh bien, il dit, ça c'est... il dit, « Amma, idha kana As-Siraj fil fada, tamaddadu nuruhu wa tashtat. » Donc, il dit que la lumière, si elle est juste dans une lanterne, elle éclaire de tous les côtés, mais elle n'est pas concentrée. Elle va dans tous les sens. Tandis que lorsqu'elle est dans une niche, elle est concentrée parce qu'elle va dans une seule direction. Et donc, il dit que ça, c'est l'exemple de la lumière d'Allah dans le cœur du croyant. Elle est comme dans une lanterne et elle est dirigée et concentrée. Hein? Donc, c'est une lumière qui est dirigée et concentrée. Et il dit qu'elle est dans une genre de niche. Et il dit que il dit dans le verset, dans un récipient de cristal. Dans un récipient de cristal. Il dit, Al-Misbahu fi zujaja. Et fi qindil minas zujaj safi. Donc, comme dans du verre, comme dans du cristal pur, qui laisse parfaitement traverser l'éclat de la lumière. Et il dit, وَهَذَا أَصْفَى لِلنُّورِ أَيْضًا. Donc ça purifie encore plus la lumière. Il dit, كَانَ الْمِسْبَاحُ دَاخِلَ الزُّجَاجَ فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ النُّورُ فِي الْمِشْكَاءِ وَيَنْتَشِرُ عَبْرَ الزُّجَاجَ صَافِيًا. Donc la lumière, elle se réunit à travers donc cette lanterne, cette lampe, et elle passe à travers le verre qui est un verre pur, qui laisse parfaitement traverser la lumière. Et il dit, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette lumière. Il dit, وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ نُورَ الزُّجَاجَ فَقَالَ الزُّجَاجَ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّي يُوقِدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ Zaytouna. Donc il dit que il a décrit aussi cette lumière et il dit qu'elle ressemble à un astre, hein, de grand éclat. Donc l'éclat de la lumière, elle est très forte et le combustible de cette lumière vient d'un arbre béni. Ay kana az-zujaja fi safa'iha wa diya'iha kawkabun yushbihu ad-durr fi ad-diya wa as-safa wa al-husn. Donc cette lumière qui est dans le cristal ou dans le verre, dans sa pureté et dans son éclair, dans sa façon d'éclairer, elle ressemble à un astre qui luit, hein, dans le ciel, dans sa beauté, dans sa force. Et il dit que, il dit, فَهَذَا مَثَلُ نُورِ اللَّهِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَهُوَ النُّورُ الْمَخْلُوقِ. Donc il dit que ça c'est l'exemple de la lumière d'Allah dans le cœur du croyant. Et c'est une lumière créée. C'est une lumière créée. Il dit, parce que, il dit, فَالنُّورُ عَلَى قِسْمَيْنِ نُورُ الْمَخْلُوقِ وَهُوَ نُورُ الْإِيمَانِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومِ ونور آخر وهو نور الله تعالى ونور وجهه من أسمائه سبحانه وتعالى النور ومن أسمائه النور ووصفه ووصفه نور وكلامه نور. Donc il dit, le cheikh, qu'il y a deux catégories de lumière. Une lumière qui est créée, c'est-à-dire la lumière de la foi dans le cœur du croyant, la lumière du soleil et de la lune et des étoiles, hein, ou les autres choses qui sont créées, qui produisent de la lumière. Et il y a une autre lumière qui est la lumière qui est Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière d'Allah, la lumière de son visage, la lumière de ses noms. Hein? Donc les noms d'Allah c'est une lumière, sa description est une lumière, tout ce qui est une attribut d'Allah c'est une lumière, et sa parole est une lumière. Et ça c'est, bien entendu, c'est pas créé puisque c'est la lumière d'Allah et de ses noms et de ses attributs et de son visage et ainsi de suite. Donc c'est cette lumière là elle n'est pas créée. La lumière qui crée c'est la lumière comme des créatures, qui vient des créatures ou qui est dans les créatures. Après il dit أما النوع الثاني من القلوب فهو الأغلاف المربوط بغلافه يمنع دخول الحق فيه وهذا قلب الكافر كما قال تعالى عن اليهود يعني قلوب وقالوا قلوبنا غلف أي عليها أغطية وغشاوة فإن قلوبنا لا تسمعك يا محمد قلوبنا مغلفة لا يصل إليها الكلام وهم يكذبون فالله جل وعلا لم يغلف قلوبهم ولكنهم هم الذين غلفوها فلم يعد يدخل الخير فيه ثم قال سبحانه بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لو أنهم استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأكرمهم الله ولكنهم هم الذين تسببوا بتغلفة قلوبهم وإقفالها. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, la deuxième catégorie de cœur c'est al-qalb al-aghlaf. Al-aghlaf, c'est-à-dire celui qui est le cœur qui est enveloppé et couvert. C'est-à-dire que la vérité ne peut pas rentrer dans ce cœur-là. C'est le cœur du kafir. Et il donne l'exemple du cœur des juifs. Le cœur des juifs, il est comme ça, il est couvert. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne leurs paroles lorsqu'ils disent, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Le verset 88, dans Surat al-Baqarah. Ils disent, notre cœur, il est enveloppé, couvert. Et, عليها أغطية ورشاوة. Comme s'ils disent, notre cœur, il est enveloppé, couvert. En voulant dire qu'on est, on peut pas comprendre qu'est-ce que tu dis au Mohammed. On peut pas l'entendre et on peut pas le comprendre. Et ils prétendent que leur cœur est couvert et enveloppé. Et donc la parole peut pas y entrer. Alors le cheikh il dit ils mentent parce qu'en réalité Allah n'a pas couvert leur cœur, mais c'est eux qui l'ont couvert eux-mêmes en ne laissant pas le bien y pénétrer. Et Allah les a maudits à cause de ça par la suite, puisqu'il dit بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Mais c'est plutôt Allah qui les a maudits à cause de leur mécréance. alors ils comprennent que très peu. Mais s'ils avaient répondu à l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah les aurait honorés en faisant en sorte qu'ils entendent et qu'ils acceptent la vérité. Mais ils ont été eux-mêmes la cause dans le fait que leur cœur soit recouvert et enveloppé et par la suite qu'il soit verrouillé. Wal'iyadhu billah. La troisième catégorie de cœur, c'est le cœur qui est mankous. C'est comme si un récipient qui est renversé. Donc il est renversé. يقول الشيخ القلب قلب المنكوس هو قلب المنافق لأنه عرف الحق ورفضه يعني أنه انتكس أي انقلب فخرج منه ما دخل فيه أما الكافر فهو أصلا لم يرد الحق ولم يقبله والنفاق نوعان النفاق الأصغر وهو نفاق العمل وهو قد يقع من المؤمن كالكذب أو إخلاف الوعد فيكون فيه خصلة من النفاق حتى يدعها والنفاق الأكبر وهو النفاق الخالص وليس فيه إيمان أصلا ويسمى النفاق الاعتقادي. Donc le cheikh il dit que le troisième cœur c'est le cœur qui est comme on a dit القلب المنكوس, c'est-à-dire le cœur de l'hypocrite. Il a connu la vérité puis l'a rejeté, c'est comme si il est revenu sur sa position, il a rejeté la foi. C'est-à-dire, la foi est rentrée dedans, puis elle est ressortie. Donc, il n'y a plus de bien dedans. Et il dit, en ce qui concerne le kafir, lui, le kafir, il n'a jamais connu la vérité, déjà, il n'a jamais accepté. Il ne l'a jamais voulu, en partant. Il n'a jamais voulu la vérité. Mais, al-nifaq, il faut comprendre qu'elle est de deux catégories. Il y a le petit nifaq, le nifaq mineur, qui est un nifaq qui est relié aux actions. C'est-à-dire que ça peut se produire de la part d'un croyant. Ça peut se produire de la part d'un musulman croyant qu'il ait parfois des choses, des actions qui sont du nifaq. Comme par exemple, il ment des fois ou bien il manque à sa promesse. Ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrisie. Et il aura une de ses caractéristiques jusqu'à ce qu'il la délaisse. Mais ça ne le fait pas sortir de la foi et de la religion musulmane. Il ne devient pas kafir. Tandis qu'il y a l'hypocrisie majeure, qu'est-ce qu'on appelle en arabe un nifaq ou l'akbar. Et c'est cette catégorie de nifaq qui est le nifaq pur, c'est-à-dire celui qui nie complètement la foi. C'est-à-dire que dans son foi, dans son cœur, il n'y a plus de foi du tout. Dans son cœur, il n'y a pas de foi, mais il se prétend croyant. Après, il dit, on l'appelle aussi un nifaq al-i'tiqadi, c'est-à-dire on l'appelle aussi le nifaq de la croyance. Nifaq al-i'tiqadi. Donc ça, c'est pour la troisième catégorie de cœur. Et il y a la quatrième catégorie de cœur, القلب المسفح. On en a parlé. C'est celui qui a du nifaq et de la foi en même temps. C'est ça, le cœur mélangé. Il dit وهذا هو القلب الذي اجتمع فيه إيمان ونفاق النفاق الأصغر أي العملي كما أسلفنا فالنفاق قسمان نفاق اعتقادي ويكون قلب صاحبه منكوسا والعياذ بالله أي مقلوبا رأسا على عاقب هذا هو المقلوب والنفاق العملي ويكون القلب صاحبه مصفح أي مائل عن الحق ويكون عنه صاحبه يكون عند صاحبه بعض صفات الإيمان وبعض صفات النفاق ويكون حسب ما يغلب عليه فإن غلب عليه الإيمان سلم وإن غلب عليه النفاق هلك وهذا النوع من النفاق خطير لأن صاحبه وإن لم يكن عنده نفاق اعتقادي فإنه يخشى عليه أن يجر إليه أو أن يجر إليه إن لم يتب من النفاق العملي. وهذا ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته كما في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. On va lire ça après. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on a lu maintenant? La quatrième catégorie de cœur, al-qalb al-musfah. Le cheikh il explique plus loin que c'est le cœur qui penche vers l'hypocrisie. Il s'éloigne de la vérité, mais il n'est pas dans le faux complètement. Donc, c'est un cœur dans lequel il y a de la foi et de l'hypocrisie mineure, du nifaq asghar, qu'on appelle aussi le nifaq de l'action, par opposition au nifaq de la croyance. Donc, dans cette forme de nifaq asghar, elle est présente dans le cœur, en même temps que la foi. Nifaq al-asghar, il penche vers l'hypocrisie, na'am. Il s'éloigne de la vérité. Donc, il y a dans ce cœur du nifaq asghar et il y a de la foi en même temps mélangée. Donc, la personne en question, son cœur est renversé. Donc, c'est du nifaq de l'action qu'il a. Il fait des péchés, en d'autres termes. Et il dit que son cœur, il penche et s'éloigne de la vérité. Et donc, il a des caractéristiques des croyants et de la foi, et il a aussi certaines caractéristiques de l'hypocrite et de l'hypocrisie. Et parfois, c'est un qui prend le dessus sur l'autre. Parfois, c'est la foi qui prend le dessus, parfois, c'est l'hypocrisie qui prend le dessus. Si c'est la foi qui prend le dessus, il est sauvé. Si c'est l'hypocrisie qui prend le dessus, il est perdu. Et ça, c'est très dangereux. Cette forme d'hypocrisie, c'est très dangereux. Parce que, même si, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نِفَاقٌ يَعْتِقَادِ فَإِنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يُجَرْ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتُبْ مِنَ النِّفَاقِ الْعَمَلِ. Donc, il dit que même si la personne... Cette personne, elle n'a pas de nifaq majeur, elle n'a pas de nifaq dans la croyance, mais on craint qu'à la longue, si elle ne s'est pas repentie, elle tombe dans le nifaq. Si elle ne se repent pas du petit nifaq, qu'elle tombe dans le grand nifaq. Si elle ne se repent pas du nifaq mineur, qu'à la longue, elle tombe dans le nifaq majeur. C'est ça le danger. Donc, le cheikh, il dit, هَذَا مَا خَافَهُ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى أُمَّتِهِ كَمَا فِي الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي. Il dit, c'est ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a craint pour sa umma. Comme ça a été mentionné dans le hadith qui a été rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit, أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا نفاق خفي يقع من بعض المؤمنين وهو خطير جدا، ولكن إذا غلب عليه الإيمان صار من أهل الإيمان، وإن غلب عليه النفاق صار من أهل النفاق. وهذا في هذا دليل على أن النفاق العملي يجر إلى النفاق الاعتقادي. Donc le cheikh il dit que c'est un hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: voulez-vous que je vous dise ce que je crains le plus pour ma umma, c'est-à-dire je crains cette chose-là, ça me fait plus peur pour la Ummah que même le Dajjal. Il a dit, certes, messager d'Allah, on veut savoir. Alors il a dit, c'est al-shirk al-khafi, c'est-à-dire le shirk qui est caché. C'est-à-dire que l'homme il se lève et il embellit sa prière parce qu'il voit que quelqu'un le regarde. Donc ça c'est rapporté par Ibn Majah et Ahmad. Il a dit que ça c'est le nifaq al-khafi, nifaq al-asghar, et c'est une forme de shirk hein, c'est shirk al-khafi, le shirk qui est caché, c'est nifaq al-khafi, une hypocrisie cachée, et ça peut arriver chez certains croyants. Il dit que c'est très dangereux, par contre, parce que, il dit, si ça prend le dessus sur la foi, ça risque de faire tomber la personne dans le nifaq. Hein? Si par contre la foi prend le dessus, alors dans ce cas-là il fait partie des gens de la foi. Si par contre le nifaq prend le dessus sur lui, donc il tombe dans la catégorie des gens du nifaq. Et donc il dit que ça c'est la preuve que le nifaq amali, le nifaq mineur, le nifaq des actions, peut amener à tomber dans le nifaq de la croyance, c'est-à-dire le nifaq majeur. Et c'est ça qui est dangereux. Donc on a complété le chapitre avec ce hadith. Hein, avec l'explication des quatre catégories de cœur, on a complété le chapitre. On va maintenant lire qu'est-ce qui vient dans le chapitre suivant. Naam. Vas-y. Il a dit, je crains plus pour ma umma que le Dajjal. La chose que je crains plus pour ma umma que le Dajjal, et il a dit, c'est ash-shirkul khafi. Ash-shirkul khafi, c'est un shirk, une forme de shirk mineur. Hein? C'est quoi? C'est le nifaq en fait. C'est le qu'est-ce qu'on appelle ar-riya, hein? L'ostentation. Oui, lorsque quelqu'un il fait quelque chose pour se faire remarquer des gens, pour se faire voir, ça annule complètement toute la récompense et la valeur de cette action-là. Donc la personne, elle perd tout le bien qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Yarhamukallah. Le chapitre suivant, ça s'intitule « Babun dhikru rida bil ma'siyah ». Babun dhikru rida bil ma'siyah. C'est-à-dire le chapitre qui mentionne le fait d'être satisfait du péché, d'agréer le péché et d'être satisfait du péché. Ça, c'est grave. Et le cheikh, il dit, « Rouya an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qal, halakta in lam ya'rif qalbuka المعروف وينكر المنكر هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف ولم ينكر المنكر. Donc il commence le chapitre avec une parole d'un sahabi, une parole d'un sahabi qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit, tu as péri si ton cœur ne connaît pas le bien et ne condamne pas le mal. Tu as péri si ton cœur ne reconnaît pas le bien et ne condamne pas le mal. Donc ça c'est cité dans yani Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba et aussi dans Hilyat al-Awliya de Abu Nu'ayn. Si ton cœur il ne reconnaît pas le bien comme étant bien et il ne condamne pas le mal. لم يعرف قلبك المعروف ولم ينكر يعني المنكر. Ton cœur il reconnaît pas le bien comme étant bien, il reconnaît pas le mal, il ne condamne pas le mal, il ne condamne pas. Donc ton cœur, si tu vois que ton cœur quand il voit le mal il est content, puis quand il voit le bien il est pas content, ça veut dire il y a un problème dans ton cœur. Mais si ton cœur, tu vois le mal, ton cœur il n'est pas content, et quand il voit le bien, il est content, ça veut dire qu'il là c'est un bon signe. Après il dit, وَلِ مُسْلِمٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا مِن نَبِيٍ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقول ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Ça signifie que Muslim, il a rapporté dans son Sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un prophète que Allah a envoyé à une nation ou à un peuple avant moi, excepté qu'il avait parmi les gens de sa umma des apôtres ou des fidèles, des compagnons qui prenaient sa sunnah et qui suivaient son ordre. Puis sont venus après eux, c'est-à-dire après ces prophètes et après ces apôtres, ces compagnons, khalouf, il y en a des gens qui n'ont pas suivi leur exemple. Ils disent ce qu'ils ne font pas et ils font ce qu'ils ne sont pas ordonnés de faire. Ceux qui les combattent ou qui luttent contre eux par la main, ils changent le mal qu'ils font par la main, c'est un croyant. Ceux qui changent le mal qu'ils font par la langue, c'est un croyant. Ceux qui changent le mal qu'ils font ou qui luttent avec leur cœur, c'est un croyant. Mais après cela, il n'y a même pas le poids d'une graine de moutarde de foi. Mais après cela, il n'a pas le poids d'une graine de moutarde de foi. Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith. Il dit, قال الإمام, l'imam, yani al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, باب ذكر الرضا بالمعصية أي ما يجر من الشر والرضا ضد الكراهية فالرضا والكراهية متضادان والرضا معناه أن تقبل النفس الشيء ولا تنفر منه والكراهية هي نفور النفس من الشيء وعدم قبوله. Donc le Cheikh il explique premièrement que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a appelé le chapitre d'être satisfait de la désobéissance et du péché. C'est-à-dire que yani ce qui a ma yajri min ash-shar war-rida. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe de mal, tu en es satisfait. Qu'est-ce que ça veut dire le fait d'être satisfait? C'est le contraire que ça te déplaise. C'est le contraire de être déplaisant. Quand quelque chose t'es satisfait de ça, ça veut dire que ça te déplaît pas, ça te plaît. Donc il dit al-rida et al-karahiya, c'est deux opposés, deux contraires. Donc al-rida, c'est d'être satisfait, ça veut dire que tu acceptes quelque chose, tu t'enfuis pas de cette chose-là. Tandis que al-karahiya, c'est le fait de détester quelque chose qui te déplaît. Ton âme s'enfuit de cette chose-là, tu ne l'acceptes pas. D'accord? Ça, c'est les définitions de ces termes. Après, il dit, وَالْمَعْصِيَةِ هِيَا الْمُخَالَفَةِ لِأَمْرِ اللَّهِ أَوْ لِأَمْرِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْ لِأَمْرِ وَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Donc le Cheikh il dit que al-ma'siyah, la désobéissance, c'est de contredire l'ordre d'Allah ou l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou l'ordre du dirigeant des musulmans. Si cet ordre ne vient pas dans la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire si l'ordre du dirigeant n'est pas dans la désobéissance d'Allah, dans ce cas-là, tu es obligé de lui obéir. Sinon, tu as désobéi à Allah et à son messager. Donc, il dit la preuve, le verset 59 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et il dit: فَاللَّهُ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وبطاعة ولاة أمور المسلمين وقوله تعالى منكم أي من المسلمين يعني أولي الأمر منكم أي من المسلمين فإذا كان ولي الأمر مسلما فإنه تجب طاعته في غير معصية الله عز وجل. والمعصية هي المخالفة، والله جل وعلا يبغض المعاصي ويكرهها. قال تعالى في حق نفسه: ولا يرضى لعباده الكفر. والمؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فتكون محبة المؤمن وكراهيته تبعا لمحبة الله وكراهيته. فهذا هو منهج المؤمن في الحب والبغض. Donc le cheikh il explique que la désobéissance, donc on l'a expliqué, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne donc d'obéir à son ordre et à l'ordre de son messager. D'obéir à, on doit obéir à Allah, on doit obéir au messager d'Allah et on doit obéir aux dirigeants des musulmans. Il dit que, c'est-à-dire Allah il dit à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, et parmi vous, c'est-à-dire parmi les musulmans. Donc si le dirigeant est musulman, il est obligatoire de lui obéir tant qu'il ne nous ordonne pas de désobéir à Allah. S'il nous ordonne de désobéir à Allah, alors on ne doit pas lui obéir. Et ça c'est le grand principe dans l'islam qui dit qu'il n'y a pas il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et ce principe dans l'islam, il nous protège de devenir l'esclave des êtres humains dans l'égarement. Hein? Tandis que les koufars, eux, ils obéissent, hein, dans le bien et dans le mal. À leurs dirigeants, à leurs patrons, à leurs chefs, à leurs capitaines, à leurs... Hein? Nous, les musulmans, non. On obéit à nos dirigeants, on obéit à nos responsables, on obéit à nos directeurs dans le bien, tant que ce n'est pas haram qu'ils nous ordonnent de faire. Mais s'ils nous ordonnent de faire quelque chose qui est haram, on dit non. S'il n'est pas musulman, dans ce cas-là, on ne lui obéit pas, on n'est pas obligé de lui obéir, mais on est quand même obligé de respecter dans le bien, dans le sens de respecter, de ne pas faire le désordre, hein, de ne pas faire le désordre. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'ils ont fait des expériences, les kuffars, tu sais, ils font toujours des expériences et des recherches pour tester des trucs, des psychologues, des psychiatres, des psychologues, ils font des tests sur les êtres humains, ils les prennent comme des rats de laboratoire des fois. Puis y en a un en particulier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un test sur des gens. Il a fait un test avec une machine, puis il fallait que la personne, il voulait voir si jusqu'où la personne allait aller. Alors il devait donner un choc électrique à quelqu'un à chaque fois que la personne donnait une mauvaise réponse. Et puis plus que la personne continuait à donner des mauvaises réponses, plus qu'il donnait un choc électrique plus intense à la personne. Puis là finalement... ils ont fait des tests sur plusieurs personnes, puis ils ont constaté que les gens étaient ordonnés ou demandés de donner des chocs électriques et ils allaient toujours jusqu'au bout. Même à un voltage tellement élevé que ça allait même tuer la personne, même s'ils entendaient la personne qui disait « arrêtez, arrêtez, j'ai mal », on lui disait « continuez », il continuait quand même. Donc c'est pour dire que après, quand les résultats de la recherche sont apparus, ils ont dit, mais comment ça se fait, Yannick? On a vu que ces gens-là, ils continuaient toujours à obéir aux ordres et à faire ce qu'on leur ordonnait de faire parce que c'était le... Yannick, tu te présentes avec une autorité sur eux, ils vont obéir même si, Yannick, ça va faire quelque chose de mal ou de grave. Et donc, quand je pensais à ça, je me disais, subhanallah, c'est vrai. Parce qu'eux, ils appliquaient ça par rapport à ce qui a été fait comme atrocité, par exemple, dans certaines guerres ou dans certains génocides ou dans d'autres situations dans le monde où il y a eu des hommes qui, parce qu'on leur a ordonné, ont fait toutes sortes d'actes de cruauté, puis de massacre et des choses de ce genre. Et l'excuse qu'ils donnaient quand ils ont fait ça, c'est que nous, on obéissait seulement aux ordres. Et donc, c'est pour dire que le musulman, il obéit mais il n'a pas le droit d'obéir quand c'est un péché qu'on lui demande de faire ou quand il doit désobéir à Allah. Et c'est l'exemple dans le hadith aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire, il a envoyé un régiment quelque part et il a mis quelqu'un à la tête de ce régiment pour yani, être le responsable. Alors, l'homme qui était responsable de ce régiment, le amir, il a dit à un moment donné à ses soldats, il a dit « Entrez dans le feu ». Il a allumé un feu, il a dit « Rentrez dans le feu ». Et eux, ils ont dit « Nous, on est devenus musulmans, c'est pour être sauvés du feu, donc on ne va pas rentrer dans le feu ». Ils ont refusé d'obéir. Quand ils sont retournés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit « Oh, messager d'Allah, hein ?» Il nous a ordonné de rentrer dans le feu. Il a allumé un feu, il nous a ordonné de rentrer dedans. Et nous, on a refusé. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, si vous auriez obéi, vous serez rentré dans le feu et vous n'en serez jamais sorti. Hein? C'est pour dire que quand on nous ordonne de faire un péché, de désobéir à Allah, on n'a pas le droit d'obéir. Et que le fait qu'on obéisse à ceux qui sont supérieurs ou ceux qui sont nos chefs dans le péché, ce n'est pas une excuse qui nous innocente. Et on a plein d'exemples aussi dans le Coran, des discours que Allah subhanahu wa ta'ala, des dialogues qui mentionnent des gens qui sont dans l'enfer entre les forts et les faibles. Et qu'ils disaient, les faibles ils disent, c'est à cause de vous qu'on est dans l'enfer parce qu'on vous a obéi. Et les forts qui répondent, ils disent, on ne vous a pas forcé. Hein? C'est vous qui avez voulu nous suivre. En voulant dire, yani, c'est vous qui êtes responsable de vos actions. Vous ne pouvez pas blâmer les autres. Et donc ça, c'est juste un point que j'ai trouvé intéressant. Puis ça faisait réfléchir, yani, comment les koufars obéissent aux créatures, même dans qu'est-ce qui est contraire à qu'est-ce que le créateur a ordonné. Tandis que le mu'min, non. Le mu'min, il obéit, hein, mais uniquement dans ce qui est en accord avec l'ordre d'Allah et non pas dans le contraire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh Al-Fawzan, il continue, il dit donc que le musulman, il doit obéir dans ce qui n'est pas un péché. Et il dit que le péché, c'est qu'est-ce qui contredit, yani, l'ordre d'Allah. Et il dit que Allah, il n'aime pas les péchés. Il déteste les péchés. Et il dit, justement, à propos de lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 7, dans surat Az-Zumar, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Ça veut dire, si vous rejetez la foi, sachez que Allah n'a aucun besoin de vous. Il peut se passer de vous complètement. Mais il n'agrée pas la mécréance de la part de son serviteur. Hein? Donc quand son serviteur fait du kufr, il n'est pas satisfait de ça. Hein? Il n'aime pas le kufr de son serviteur. Donc il dit que le croyant, il est obligatoire pour lui d'aimer ce que Allah aime. Tu dois aimer ce que Allah aime. Et tu dois détester ce que Allah déteste. C'est ça. C'est comme ça que doit être l'amour du croyant ainsi que la haine du croyant. Elle doit suivre l'amour d'Allah et la haine d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce que tu dois aimer toi en tant que croyant, c'est ce que Allah aime. Ce que tu dois détester en tant que croyant, c'est ce que Allah déteste. C'est ça ta méthodologie, hein, par rapport à l'amour et à la haine. En tant que croyant, c'est ça ton manhaj. Et il dit ensuite, فَاللَّهُ يَكْرَهُ الْعُصَاتِ وَالْمُخَالِفِينَ بِسَبَبِ مَعَاصِيهِمْ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَالْمُتَطَهِّرِينَ وَالْمُحْسِنِينَ فَمَحَبَّةُ الْمُؤْمِنِ وَكَرَاهِيَتُهُ تَدُورَانَ مَعَ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَكَرَاهِيَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste les pécheurs, les gens qui contredisent son ordre et sa loi. Il déteste les péchés, il déteste le kufr et le shirk, les mushrikins, les kuffars, à cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance, à cause de leur mécréance, à cause de leur shirk, et ainsi de suite. Et il aime les gens qui se repentent, Il aime les gens qui se purifient. Il aime les gens qui font le bien. Et donc, le croyant, son amour et sa haine, elles doivent suivre ce que Allah aime et ce que Allah déteste. Et ça, c'est parmi les signes de la foi. Parmi les signes de la foi. Il dit فَمَنْ يَرْضَى بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَرْضَى بِهِ وَيَكُونُ مُخَالِفًا لَهُ عَزَّ وَجَلْ فَيَكُونُ هَذَا إِمَّا مُنَافِيًا لِلْإِيمَانِ أَوْ مُنَقِّصًا لَهُ وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ. Donc le cheikh il explique que celui qui est satisfait du péché, alors ça veut dire qu'il aime ce que Allah déteste. Celui qui est satisfait du péché, ça veut dire qu'il aime ce que Allah déteste. Et il dit qu'il est satisfait de ce que Allah déteste. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, il contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et donc, il dit, soit c'est que ça, c'est soit que ça vient annuler sa foi complètement, ou la diminuer. Ça, c'est soit que ça vient annuler sa foi au complet, ou que ça vient diminuer sa foi. Et ça, c'est un fondement très important. De comprendre ce principe-là dans l'islam, c'est un fondement très important. Hein, c'est la base de la foi, c'est la base du tawhid. Il dit, فَإِنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِ وَبُغْضَهُ تَكُونَانِ تَبَعًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وبغضه فقد جاء في الأثر عن بعض السلف لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون ما يكرهه الله أمر عليه من الصبر سواء كانت المعصية منه أو من غيره سواء رآها أو بلغته فإنه يبغضها ولا يرضاها. Donc le cheikh il dit que le croyant, l'amour du croyant et la haine du croyant doivent suivre l'amour d'Allah et la haine d'Allah. Il dit que c'est mentionné dans une parole des salafs, un d'entre les salafs, qui disait que quelqu'un ne sera pas croyant jusqu'à ce que ce que Allah déteste soit plus amer pour lui que la patience. Et donc il dit, peu importe que le péché vienne de lui-même, peu importe que ce péché vienne de lui-même ou de quelqu'un d'autre, ou peu importe qu'il l'a vu quelqu'un le faire, ou qu'on lui a rapporté, alors il doit le détester, il ne doit pas en être satisfait. Donc peu importe que ce péché-là, c'est toi qui l'as fait, ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, ou tu as vu quelqu'un d'autre le faire, ou on t'a rapporté que quelqu'un d'autre l'a fait, tu dois le détester et tu ne dois pas en être satisfait. Il dit, قول ابن مسعود رضي الله عنه هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر فمن لم يكن قلبه إنكار المنكر لم يكن في قلبه إنكار المنكر فهو ليس بمؤمن قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فمدار الحديث على القلب فلا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تنكر المنكر بقلبك وتكرهه وتكره المعصية بقلبك لأنه ما من أحد له سيطرة على قلب الإنسان إلا الله عز وجل. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Abdullah ibn Mas'ud a dit que si ton cœur il ne reconnaît pas le bien et il ne condamne pas le mal, yani ça veut dire que tu es perdu, t'as péri complètement. Si ton cœur il reconnaît pas le bien, ça veut dire il aime pas le bien, il n'aime pas le bien et il condamne pas le mal, ça veut dire tu as péri. Tu fais partie de ceux qui ont péri. C'est-à-dire que ton cœur, il ne condamne pas le mal. Si ton cœur, il ne condamne pas le mal, ça veut dire que tu n'es pas un croyant. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui voit le mal, qu'il le change par sa main. S'il n'est pas capable, qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau ou le faible, plus faible niveau de la foi. C'est-à-dire, c'est la foi la plus faible. Il dit dans une autre narration, « Laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal ». C'est-à-dire qu'après ce degré-là, il n'y a plus de foi, même pas une graine de moutarde de foi. Ça veut dire que le, cœur, le hadith, il parle du cœur. Et personne ne peut t'empêcher ou contrôler ton cœur. Hein? Quelqu'un peut, par exemple, t'empêcher de faire le changement du mal par ta main. Quelqu'un peut t'empêcher de faire le changement du mal avec ta langue. C'est possible. Parce qu'il peut. Tu peux, hein, avoir une contrainte ou avoir peur de quelqu'un qui t'empêche de vouloir changer le mal par ta main ou changer par ta langue. C'est possible. Mais par ton cœur, non. Personne ne peut rentrer sa main dans ton cœur puis arrêter ton cœur de vouloir aimer quelque chose ou détester quelque chose ou penser quelque chose ou croire en quelque chose. Parce que le cœur, il est, hein, en dehors du contrôle des hommes. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle les cœurs. Alors, il dit, le cheikh, que ça veut dire que personne ne peut contrôler ton cœur et empêcher ton cœur de condamner ce qui est mauvais ou de t'empêcher de détester avec ton cœur le péché. Parce que personne n'a le contrôle sur le cœur de l'homme, excepté Allah, Azza wa Jal. Et, yani, il considère que le fait de condamner le mal avec le cœur, ça fait partie de changer le mal. Parce que, il dit, فَمَدَارُ الْحَدِيثَ عَلَى الْقَلْبِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَكَ مِنْ أَنْ تُنْكِرَ الْمُنْكَرْ بِقَلْبِكَ وَتَكْرَهَهُ بِقَلْبِكَ لأنه ما من أحد له سيطرة على القلب على قلب الإنسان إلا الله عز وجل وقد اعتبر الإنكار بالقلب من التغيير. C'est-à-dire le fait de changer le mal avec le cœur, c'est-à-dire le fait de condamner le mal, ça fait partie de changer le mal. Et on considère ça comme faisant partie de changer le mal. لأنه بداية للتغيير باللسان والقلب باللسان واليد. Parce qu'il dit que de changer le mal avec le cœur, c'est le début, c'est le commencement de changer le mal avec ta main et avec ta langue. Est-ce que quelqu'un, s'il n'a pas changé le mal dans son cœur, est-ce qu'il peut le changer avec sa main ou avec sa langue? Non. Pourquoi? Parce que ça commence par le cœur. Si tu ne détestes pas le mal dans ton cœur, tu l'aimes, est-ce que tu vas changer avec ta main? Non. Est-ce que tu vas changer avec ta langue? Non, parce que tu ne le détestes pas dans ton cœur. Donc, le début, ça commence toujours par le cœur. Puis, le changement avec la main et avec la langue, ça suit. Il dit, فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ بِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ. Donc, s'il n'a pas condamné le mal avec son cœur, il ne va pas le changer avec sa langue, ni avec sa main. وَالْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ لَا يَعْجَزُ عَنْهُ أَحَدٌ كُلٌّ يَسْتَطِيعُهُ. Et le fait de condamner le mal par son cœur, personne n'en est empêché et tout le monde est capable de le faire. Il dit wa amma al-inkaru bil yad wal lisan fa huwa hasba istita'a fa inkar al-munkar bil qalb kullun yastati'uhu wa alamatu inkar al-munkar bil qalb huwa al-ibti'ad anhu al-ibti'ad 'an al-munkar amma idha lam yabta'id 'anhu fa innahu. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne le fait de condamner ou de changer le mal par la main ou par la langue, ça c'est selon la capacité. Il dit le changement, la condamnation du mal par le cœur, chacun est capable. Il dit mais le signe que tu as condamné le mal par ton cœur, c'est quoi? C'est quoi le signe de ça? C'est que tu t'éloignes du mal. Que tu t'éloignes du mal. Il dit, mais si tu ne t'éloignes pas du mal, ça, on considère dans ce cas-là que tu as été satisfait du mal, parce que tu ne t'en écartes pas. Il dit, وَإِذَا كَانَ مُنْكَرًا بِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ يَبْتَعِدُ عَنْهُ وَلَا يُجَالِسْ أَهْلَ الْمُنْكَرِ وَلَا يُحِبُّهُمْ وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْصَحَهُمْ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ أما إذا كان يجالسهم ويقول أنا أنكر في قلبي هذا ليس بصادق. Donc le cheikh il dit, la personne si elle condamne le mal avec son cœur, elle va s'écarter, elle va s'éloigner, elle va pas s'asseoir avec les gens qui font le mal, hein? Elle va pas s'asseoir avec les gens qui font le mal, elle va pas les aimer, mais elle va leur donner le bon conseil, elle va les appeler à Allah. Mais si elle commence à s'asseoir avec eux, puis à participer ou bien à être avec eux, mais elle dit, oui, dans mon cœur, je condamne le mal. Il dit, ça, c'est pas vrai. La personne, elle n'est pas sincère dans ce cas-là. Hein? Et on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On continuera ça au prochain cours, Inch'Allah. Oui. Changer le mal par la langue et par la main. C'est selon la capacité. Mais changer le mal par le cœur, tout le monde a la capacité de le faire. C'est ça. Parce que le cœur, personne ne peut t'empêcher. Hein? Quand tu dis, par exemple, ceux qui disent, dans les droits de l'homme, il y a la liberté de croyance. Et la liberté de croyance, tout le monde l'a déjà. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'empêcher de croire dans ton cœur qu'est-ce que tu veux croire. C'est pas vraiment un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent dire les koufars par la liberté de croyance? C'est la liberté de parler de cette croyance et d'appeler à cette croyance, de propager cette croyance. Sinon, si c'est juste une question de croire à quelque chose dans ton cœur, personne ne peut t'empêcher. Hein? Même si tu le dis pas, si tu le dis pas, personne ne va savoir en quoi tu crois. Ça dérange personne. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu appelles à ta foi, que tu expliques ta foi, tu clarifies pour les autres, puis quand ils commencent à comprendre, ils acceptent la vérité. C'est ça qui les dérange. Mais la liberté de croyance dans l'islam, c'est la liberté de croire en la vérité, pas la liberté de croire à ce qui est faux. Mais pour les koufars, tu as la liberté de croire même à ce qui est faux. C'est-à-dire, si tu veux croire, par exemple, que le ciel est rouge, ou bien qu'il est vert, au lieu de croire qu'il est bleu, tu as le choix, tu as le droit. Sauf si, par exemple, c'est des choses qu'eux, ils veulent que tu crois absolument. Et c'est ça, c'est une des choses qui m'a surpris. Et c'est un truc comme, par exemple, si tu ne crois pas en Dieu, ça ne les dérange pas. Mais, par exemple, si quelqu'un, par exemple, fait partie des revisionnistes, les gens qui refusent de croire aux chambres à gaz pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis, quand ils disent qu'ils ont tué 6 millions de juifs. Si tu refuses de croire à ça, ça c'est un crime dans certains pays. On peut même te donner des peines, ou bien je sais pas, là, il y a des punitions pour ça. Non, c'est pour dire, pour croire en Dieu, ça c'est pas grave. Tu veux pas croire en Dieu, tu veux pas croire en la révélation, au prophète, ça les dérange pas. Il n'y a pas de punition pour ça, il n'y a pas de peine pour ça, hein, il n'y a pas de problème pour celui qui refuse. Mais pour refuser de croire à un truc qui fait partie des choses historiques, que tu refuses toi d'y croire, parce que soi-disant tu prétends que tu n'es pas convaincu par les faits, ou par les éléments qui ont été présentés comme étant des faits, tu dis non, ça je remets ça en question. Même de vouloir remettre ça en question, c'est un crime. Alors qu'en principe, historiquement, toute notion, toute donnée historique, si tu as des preuves ou tu as des choses qui montrent que quelque chose ne s'est pas produit, qu'il n'y a jamais eu lieu, et si tu as des éléments pour supporter des éléments scientifiques pour supporter ce que tu dis, hein, personne ne peut pas t'empêcher, quelqu'un ne peut pas t'empêcher de supporter ou de croire en qu'est-ce que tu ramènes comme preuve. Mais eux, ils refusent même de remettre en question quelque chose comme ça. Donc c'est juste pour dire, Allah al-Musta'an, comment les koufars, ils ont deux poids et deux mesures. Et que comment ils donnent plus de poids au mensonge qu'à la vérité. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah.